Je suis fou. Quand ton cœur me dit les mots qu'il faut. Je suis fou. Car pour moi tout cela est nouveau. Quand tu dis c'est donc moi que tu as choisi, j'en rêvais. Si je pleure, ce n'est pas de chagrin, mais c'est la première fois qu'on tient ma main. Que cela m'arrive me change la vie. Je crois revivre à t'écouter chaque nuit. C'est si doux. Je suis fou quand ton cœur me dit les mots qu'il faut. Je suis fou car pour moi tout cela est nouveau. Quand tu dis l'amour restera à jamais, jamais, jamais à nous. C'est si cela m'arrive, me change la vie. Je crois revivre à t'écouter chaque nuit. Je suis fou.